Bonjour, bienvenue à tous à l'avant-dernier séminaire de politique des sciences de cette année. Donc aujourd'hui, nous accueillons le groupe qui gouverne la science de travail. Bon, je vais être assez bref. Donc on aura trois exposés. Un premier exposé de Francis Château-Renaud sur, le titre est là, les figures de l'excellence, donc analyse de corpus de texte à l'aide de Prospero. Et ensuite, on aura... deux exposés de Joël Lallier et Christian Topalov. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors en gros, les exposés vont avoir trois quarts d'heure à peu près de durée et on posera les questions après chaque exposé librement. Voilà, donc Francis, à toi.